une histoire particulière. Retour en Ardèche. Hier, Domitille Piron et François Test nous ont ramenés dans les années 70, lorsque les néo-ruraux ont investi le territoire ardéchois. Les hippies, jeunes bandes d'huluberlus de toutes les couleurs et poilus, et à côté, des personnes âgées qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait, parfois choquées par le mode de vie ou leur façon de s'habiller. Derrière l'utopie communautaire, il y avait aussi une ouverture d'esprit, un changement dans les rapports humains qui a forgé l'accueil des immigrés d'aujourd'hui dans la région, et ça, c'est grâce à mai 68. L'époque n'était pas que fleurie et la vie n'était pas seulement l'élevage des chèvres et des plantations de chênes. D'autres drames s'y sont joués, comme nous allons le découvrir tout de suite dans le second épisode. Ardèche, le temps des communautés. Tout a commencé le 24 août 77 par François Test et Domitille Piron. Par un hold-up au Crédit Agricole de Villefort aux confins de la Lozère et de l'Ardèche. Hold-up minable et piètre butin pour trois paumés, Pierre Conti, 31 ans, Jean-Philippe Mouillot, 23 ans, et Stéphane Viopécat, 24 ans. Aujourd'hui, Pierre Conti, le choix des armes. J'ai envie de dire, c'est presque, ça peut paraître exagéré, mais c'est presque tout un département qui a été blessé par cette histoire-là. En 1972, il existe 15 communautés de marginaux en Ardèche. L'une des plus connues est située à Rochebesse, dans le nord du département. Une zone de montagne au charme rude. Pierre Conti et sa communauté vivent de la terre, refont le monde en élevant des chèvres, et sur le mur d'une des maisons, ils ont inscrit en grand « Révolution ». Ils ne sont pourtant pas les bienvenus, le climat est tendu, dans la communauté, avec les voisins. C'est une escalade de violence jusqu'au 24 août 1977 et ce qu'on va appeler l'affaire Conti. Au Dauphiné Libéré, le directeur du journal dans la région, Pierre Fayol, se souvient. Ces années 70 en Ardèche, c'est l'heure du retour à la terre, c'est l'heure des communautés, hein, c'est la période pendant laquelle il y aura le plus de communautés en Ardèche, une bonne quarantaine, au total des vraies communautés structurées, avec un chef de communauté, alors Conti à Rochebesse, mais d'autres ailleurs. Et puis des gens qui viennent de partout, parfois même des quatre coins de l'Europe, mais beaucoup de France et beaucoup de Parisiens, beaucoup de jeunes bourgeois parisiens, parce qu'il faut remettre aussi tout ça dans son contexte, hein. Beaucoup de jeunes qui sont passés par des grandes écoles à Paris, ou dont les parents sont très fortunés, du 16e arrondissement, boulevard Haussmann, rue Lafayette, etc., viennent vivre le retour à la terre en Ardèche. Et en particulier chez Conti à Rochebesse. Sophie, on se rencontre aujourd'hui parce que vous avez vécu à Rochebesse, dans la communauté de Pierre Conti. Ça fait maintenant 40 ans que vous n'y habitez plus. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre parcours qui vous a amené de Paris à Rochebesse dans les années 70 ? Souvent, les gens disent, oh, mais moi, je suis venue en Ardèche à cause de la chanson de Jean Ferrat. Mais nous, c'était pas du tout la chanson de Jean Ferrat qui nous a fait venir en Ardèche, c'est Giono. C'est Que ma joie demeure et Regain. Et ce qui m'a toujours beaucoup touchée, c'est de se dire qu'à cette époque-là, on était des milliers à vivre ça, à ressentir ça, mais on le savait pas. On n'avait pas du tout la sensation de faire partie d'un mouvement, d'une vague. On croyait vraiment qu'on était deux à avoir envie de faire ça. Donc je pars sans rien connaître à la vie agricole, mais avec un vrai désir, complètement un rêve, quoi. On part à l'aventure. Henri Klintz, en tant qu'ancien gendarme, ces communautés, vous les connaissez bien, puisque la gendarmerie, à cette époque-là, était chargée de les surveiller, ces communautés. Donc vous les connaissiez, en fait, ces jeunes qui sont venus s'installer. On les connaissait, mais mal, dans le sens où, si vous voulez, les communautés, déjà, étaient des milieux fermés, plutôt anti-flics. Ça faisait partie du courant idéologie du moment. Et donc on ne pouvait pas pénétrer sans invitation. Et ensuite, les moyens de communication de l'époque ont fait cruellement défaut Aujourd'hui, il y a Internet, etc. Il y a le téléphone portable. À l'époque, si vous voulez, lorsqu'on n'avait qu'un moyen de savoir ce qui se passait dans les communautés, c'était d'identifier les conducteurs des voitures. Mais c'était très difficile de les surveiller. Mais c'est vrai que c'était souvent des jeunes très utopistes, mais des braves gens. Donc, ils ne perturbaient pas l'ordre public. Je pense à la communauté de la Blacherette, par exemple, qui est quasiment un exemple. 130 personnes qui vivaient là, qui vivaient quasiment, pas exclusivement, parce qu'ils avaient du mal, du revenu de leur travail. Le Grand Reboul, c'était pareil. Voilà, c'était des communautés où les gens travaillaient. Et ces jeunes qui vivent en communauté n'ont pas non plus été forcément bien accueillis par les Ardéchois. Alors, ils n'ont pas été bien accueillis pour une raison principale, c'est qu'ils s'emparent de terres qui ne sont plus cultivées à l'époque. À Rochebès, Conti s'empare d'un hameau, de même de deux hameaux complets. Donc oui, ils ne sont pas forcément bien accueillis. L'Ardèche, c'est un pays dur. À l'époque, la déprise agricole fait que dans des immenses cités, c'est la pampa. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Les terres ne sont plus cultivées. C'est le début d'un paysage qui se transforme fortement et très vite. Ce sont par exemple les terrasses qui commencent à se dégrader parce que ça demande un entretien quotidien. Et ces gens-là, ils viennent de nulle part. L'Ardéchois, il est fort sympathique, mais il faut quand même nouer un peu des liens avec lui. Et ça se passe pas très bien. Et qu'est-ce qui fait que vous vous installez à Rochebès ? Ben, le hasard, parce qu'il y avait des maisons à vendre. Et après, on rencontre toutes les personnes qui habitaient là-bas, c'est-à-dire Pierre Conti, Maïté, Cathy, Brigitte, enfin d'autres gens qui habitent là-bas. Et puis, ça me paraît merveilleux, quoi, parce qu'ils sont super sympas, ils sont très très accueillants, ils sont plus âgés que nous. Ils ont de l'expérience, ça fait longtemps qu'ils sont installés là, ils ont des bêtes, etc. Donc nous, on est... Puis ils sont contents de nous voir arriver, donc c'est un grand bonheur, quoi. Pierre Conti, sur Antenne 2, en 1977. Bah, je crois qu'en fait, on a compris en ville, hein, on a dégusté quand même. Hein. Moi, j'y suis resté une vingtaine d'années. Travailler en usine, c'est pas forcément agréable. Travailler à la chaîne, c'est pas forcément grave non plus. Ici, on s'y retrouve, on est bien. On est paysans dans l'âme, je pense aussi. Hein. Je pense qu'on est agriculteur, si vous voulez. On est agriculteur, éleveur, on aime les bêtes, on aime le travail qu'on fait. Si j'aimais travailler en usine, j'y serais resté, c'est tout. Alors, Pierre Conti, il arrive en Ardèche, lui, avant 68, ce qui lui vaut quand même une aura particulière. Parce qu'il n'a pas suivi le mouvement, il l'a devancé. Il arrive de Grenoble, où il a fait des études tout à fait normales, mais pas de grandes études. Et Pierre Conti, c'est un OS qui arrive en Ardèche. C'est ce qu'on appelait à l'époque les ouvriers spécialisés. Sa famille, c'est une famille de prolos, et lui, c'est un prolo. Et ça va d'ailleurs rester longtemps le seul prolo. Tous les autres sont des bourgeois. Lui, c'est le prolo. Pierre Conti, c'est un meneur d'hommes. C'est dommage qu'il soit anti-militariste et anti-flic parce que ça aurait fait un chef de guerre de première. Il avait un magnétisme auprès des gens, quasiment un gourou. Alors, ça se traduit de deux manières. D'une part, auprès des femmes, c'était un séducteur. Hein. On me dit que c'était un coq qui avait définitivement un charme fou avec les femmes. Et puis, de l'autre côté, il avait un magnétisme chez les garçons qui font que les gens étaient naturellement attirés vers lui. Je ne sais pas comment il est aujourd'hui, mais c'était quelqu'un d'extrêmement joyeux. Extrêmement joyeux. Et très, très chaleureux, très joyeux, très charmeur, très charmant. Donc, Conti, c'est... À Rochebès, c'est le mal alpha. C'est-à-dire que où ça suit, où ça cogne. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est le mal alpha, côté homme et côté femme. C'est-à-dire que il suffit qu'un couple vienne s'installer, la femme elle passe à la casserole et c'est constant. Il est écrit à droite, à gauche, le droit de cuissage de Pierrot. C'est n'importe quoi, quoi, le droit de cuissage. Ceux qui écrivent ça, c'est qu'ils sont jaloux, qu'ils aimeraient bien pouvoir faire pareil. Pierrot, il avait des chéries, et les chéries avaient des mecs, et Pierrot, il avait des chéries parce qu'il était adorable, et que c'était quelqu'un qu'on aimait énormément. C'est pour ça que ce n'est pas un droit de cuissage, ça, c'est vraiment n'importe quoi. Donc Conti, il saute un peu sur tout ce qui bouge, parce qu'il a une aura et un charisme extraordinaire. Il va l'utiliser jusqu'au bout, y compris pour s'enfuir. Et puis derrière ça, Conti, c'est quelqu'un qui a été profondément travaillé par tout le mouvement d'extrême-gauche de l'époque. Voilà. Leurs héritiers, ils ne veulent pas les exploiter, c'est évident. Pierre Conti. S'ils avaient voulu les exploiter, ils y seraient déjà. Ils ne les auraient pas laissés, tout simplement. Ce qui fait qu'on a annexé quelques maisons. C'est vrai qu'on a annexé quelques terres parce qu'il fallait qu'on vive. Ces terres étaient en friche, on les a travaillées. C'est tout simple, en fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette terre, ici ? La vie, tout simplement. C'est tout simplement la vie. Ça nous fait vivre, ça fait vivre nos bêtes. On s'y retrouve, on a un équilibre à travers ça. Ça nous donne des forces, quoi. Et tout le travail qu'on a fait ici nous donne un droit moral sur ces terres. Donc Sophie, à l'époque de Rochebesse, vous étiez jeune. Qu'est-ce que vous faisiez là-haut ? Est-ce qu'il y avait un projet de vie, un projet agricole derrière, ou c'était la révolution permanente ? C'était évidemment un projet agricole. Les premières choses que je fais, moi, c'est de garder les chèvres. J'avais jamais fait ça, donc je découvre ce que c'est que de garder les chèvres et j'adore ça. J'adore ça. C'est être en pleine nature avec. Je pars avec un instrument de musique, je pars avec un bouquin. Et voilà, puis on passe. C'est long de garder les bêtes, hein, c'est presque 5 heures par jour. Il a toujours été dit qu'on foutait rien, qu'on fumait des pétards toute la journée, mais c'est n'importe quoi, quoi. On bossait, on n'arrêtait pas, on faisait que ça, de travailler. À l'époque, l'idéologie du moment, c'était la terre appartient à celui qui la travaille. Donc il s'était, avec l'aide d'ailleurs involontaire du maire de la commune, il avait occupé des terres et des maisons que les héritiers un jour ont demandé à reprendre. Et donc il allait être expulsé. Et ça a été à mon avis l'élément déclencheur du comportement, si vous voulez, du passage à l'acte. Parce que non seulement il y avait un problème parce qu'il avait des enfants, il fallait les héberger, il fallait les nourrir, etc. Mais ensuite, si vous voulez, le chef, le gourou qui avait construit un projet, une communauté qu'on avait vue à la télévision comme un exemple de la réussite sociale, son rêve allait s'effondrer et allait devenir un échec. Et donc là, je crois que quelque part, il a mal supporté. Pour nous, il n'est pas question de partir de toute façon. Que ce soit par la force ou non, on ne partira pas. On a trop investi ici. Hein. On investit humainement, bon, matériellement aussi, en argent par exemple, ainsi de suite. Mais surtout humainement d'ailleurs, on est vachement attaché au coin. Puis ce qu'on fait ici, c'est vrai que ça nous plaît terriblement, quoi. Alors on ne partira pas de toute façon, quoi. Ou les pieds devant, mais c'est tout, quoi. Je sentais des choses qui se tramaient, mais je ne posais pas de questions parce que j'étais impressionnée par l'autorité qui émanait de ces hommes qui roulaient des mécaniques. Donc moi, j'étais impressionnée, donc je n'osais pas poser des questions. Et je pense que je ne voulais pas poser des questions parce que quelles auraient été les conséquences de ces questions ? C'est qu'il aurait fallu que je fasse un choix, que je dise qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'en vais ? Est-ce que je reste ? Alors, il faut quand même être honnête et je dois aussi dire, quand même, je les admirais un peu quand même. Il y avait certainement un petit côté de moi qui était un peu fier quand même de ces garçons qui se laissaient pas faire, etc. Mais bon. Il va être assis très très vite sur un tas d'explosifs, Conti. En 75, il va cambrioler, il va dérober plusieurs tonnes d'explosifs dans la région grenobloise, à Veurey-Voroise, dans une carrière qui où l'on stocke des explosifs de chantier. Hein. Et ces explosifs, on va les retrouver à Rochebès lorsque les enquêtes autour d'Action Directe à Paris auront mis en évidence ce lien entre le dépôt d'explosifs de Rochebès et les explosifs qui sont utilisés par Action Directe à l'époque. Et ce sera un petit peu considéré à l'époque comme à la fois le trésor de guerre de Conti et puis un espèce de libre-service pour toute la mouvance d'extrême-gauche dure, armée, de toute l'Europe d'ailleurs. Quelque part, il y avait, ça allait arriver. Il y avait une montée en puissance, si vous voulez, dans la communauté néo-rurale de Rochebès, qui fait que on allait au crash. Parce que les gens s'étaient armés. Il ne faut pas oublier que ces gens-là s'armaient, alors que c'est la seule communauté dans laquelle il y avait des armes. Dans les autres, c'était des pacifistes, ce qu'on appelle les babacools, peace and love. Donc, mais chez Pierre Conti, il y avait eu un esprit de contestation qui avait pris tellement d'importance qu'on était devenus rebelles. On s'était armés et on s'entraînait au tir. Au tir à tuer, pas au tir sportif. Mais là-bas, les paysans, c'est tous des chasseurs. Ils ont tous des armes. Ils se baladent avec des fusils. Ils n'étaient pas tendres avec nous. Hein. Ils n'étaient pas tendres. Donc, on se fait insulter, on répond, et pif, paf. Et puis après, on se dit qui c'est qui a commencé. Bonsoir. La chasse à l'homme continue ce soir dans la région du Puy-en-Velay, la Haute-Loire, pour essayer de retrouver les trois gangsters qui ont tué deux promeneurs et blessé trois personnes, dont deux gendarmes. Une poursuite particulièrement dramatique, car les trois gangsters, ils l'ont prouvé, sont capables de tirer froidement sur tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Tout avait commencé hier par un hold-up, disons, classique, scénario habituel. Les gangsters entrent, armes au poing, dans une succursale de Crédit Agricole. Ils s'emparent de 4 millions de centimes, enferment les témoins, et puis ils s'enfuient, jusqu'au moment où ils sont interceptés par les gendarmes. Là, c'est le drame. Henri Klintz, en tant que gendarme, vous avez été directement concerné par l'affaire Conti. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé le 24 août 1977 en Ardèche ? Oui, le 24 août 1977, donc nous étions patrouille de surveillance générale. Dans le département voisin, il s'est passé en Lozère, il s'est passé un hold-up à Villefort. Et donc les individus auteurs de ce hold-up sont décidés de rentrer chez eux dans l'Ardèche. Et ils sont tombés incidemment sur une patrouille de gendarmerie. Donc il y a eu une fusillade, mon collègue a été tué à coups de pistolet mitrailleur. Moi j'ai eu la vie sauve parce que Stéphane a bien voulu m'épargner. Puis ils ont continué leur cavale. Au cours de leur cavale, ils ont tué deux commerçants de Pont de la Baume, qu'on appelait agriculteurs, mais qui étaient principalement des commerçants de Pont de la Baume. Ils ont regagné leur lieu-dit Rochebès, où ils habitaient, une communauté néo-rurale près de Saint-Martin-de-Balamas. Et après, ils ont éclaté. Ils ont éclaté en différentes directions. L'un est parti à Paris chercher de l'argent, est parti en Afrique noire. Et l'autre est parti en Suisse et après il est parti dans les pays du nord de l'Europe, en Suède. Pendant des mois, l'Ardèche, notamment cette Ardèche du Sud, a été hantée par l'affaire Conti, hanté de voir ces tueurs réapparaître, Conti, comme s'il était échappé par miracle, comme de la fumée dans l'air, tout le monde se posait la question de savoir où pouvait bien être, et s'il n'était pas derrière chez lui. Pascal Waldschmidt, vous avez fondé la communauté de Bolz à Beaumont en 1974. Quand l'affaire Conti est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? Nous, on ne sait pas. Bon, évidemment, c'était une communauté aussi, mais bon, qui était différente de la nôtre. Hein, c'était pas. Mais pour nous, voilà, c'était du domaine du fait divers, quoi. Enfin, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. On s'est pas senti directement concerné, sauf que la population locale a fait l'amalgame entre tous les néo-ruraux et puis Pierre Conti, donc on était tous des tueurs fous en puissance, quoi. Donc on a été quelques-uns à organiser une conférence de presse où il est venu pas mal de journaux parisiens, Le Monde, tout ça. Bon, pour essayer d'expliquer que voilà, qu'on n'était pas tous des Pierre Conti, qu'on n'était pas tous des tueurs fous. C'est justement contre ça qu'on s'élève, c'est contre l'essai d'amalgame de nous tous, et d'essayer de nous mettre tous sous une catégorie sociale, de parler des marginaux ou des communautés. Il y en a parmi nous qui ne se revendiquent pas comme marginaux. Pierre Conti, en cavale, trouve refuge dans la ferme d'un ami, où Noël Sarola l'aidera à s'enfuir. Vous savez, c'était une situation très particulière, parce que lui risquait sa peau. Bon, il commençait à se rendre compte de ce qu'il avait fait. Je crois qu'il a fait la part des choses entre ce qui a été le moment de panique, et puis ensuite, il a commencé à réaliser tout doucement les conséquences tragiques que ça allait avoir pour sa vie, pour la vie de ses proches, de sa famille. J'ai pas eu le sentiment qu'il était en plein délire. Bon, il était dans une phase où il fallait qu'il arrive à comprendre ce qu'il avait fait, quoi. Je crois que ça lui a été dur d'admettre. Il a eu une expression à l'époque qui m'avait marqué. Il m'avait dit « nous avons sacrément merdé ». Voilà, c'est l'expression qu'il a utilisée, ça m'est resté. Et puis bon, bah, le problème, c'est qu'il fallait se sortir de cette très dangereuse situation pour lui, et que par conséquent, on a pris les moyens pour le faire sortir de France. Bon, c'est vrai que l'affaire Conti, moi, m'a quand même poser problème, dans la mesure où ça a été en fait le sifflet de la fin de récréation. On était dans une grande cour de récréation, tous, parce qu'on avait entre 20 et 35 ans, que c'était des années quand même d'insouciance, et que tout à coup, on s'est rendu compte que en quelques heures, on a basculé dans le tragique, dans des choses dont on n'avait pas envie, et qu'on n'avait pas vu venir. On les avait pas vu venir, ces choses-là. Peut-être qu'on aurait dû, d'ailleurs. Peut-être qu'on aurait pu, mais bon, le futur antérieur, c'est toujours un constat d'échec. Hein. Je ne peux pas dire que ça m'a fortement impacté, mais quand même, à partir de là, je me suis dit que j'allais changer de vie et que je n'allais pas continuer à être dans ce milieu qui finalement n'était pas le mien. Henri Klintz, en tant que gendarme, vous avez été directement impliqué dans l'affaire Conti. Après le braquage et le triple meurtre, Pierre Conti a disparu. En 1980, il est condamné à mort par contumace. Et vous supposez qu'il a été aidé et protégé par ses relations. Alors c'est vrai qu'on sait que dans ces communautés néo-rurales, notamment celle de Rochebesse comme d'autres, on a vu passer des fils de ministres, des fils de secrétaires d'État. Il y en a un d'ailleurs qui s'est marié là-haut à Chanéac, un neveu de secrétaire d'État. On a un fils de ministre qui était propriétaire des terres. On a un fils de premier ministre qui est passé faire un petit coucou pour voir un peu ce qui se passait, mais qui n'a pas séjourné apparemment, mais je suis sur sa piste actuellement. Et on a des personnalités assez importantes qui venaient se débrider dans un milieu qui était cette nouvelle société. Des enfants de riches un petit peu saturés de bien-être et qui venaient s'essayer à quelque chose d'autre en vacances, si vous voulez, qui venaient se débrider chez les néo-ruraux. Donc je pense que est-ce que ces gens-là ont influé sur l'enquête judiciaire et sur les recherches? Je pense pas vraiment. Je pense que les aides ou les assistances viennent d'ailleurs. D'abord par un certain laxisme de l'institution judiciaire et des erreurs, premièrement. Ensuite, il y a des personnes ou des gens qui sont intervenus, mais que je ne peux pas citer, si vous voulez, pour des raisons de tranquillité publique dans mon livre. Et puis, éviter des scandales également. Pierre Conti disparaît. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de lui, Pierre Fayolle ? Il va bien. Qui va très bien, il est vivant, il a 72 ans aujourd'hui, il est libre comme l'air, puisque sa condamnation par contumace est tombée avec la prescription. Donc depuis presque 20 ans, il est libre de ses mouvements, Conti. Il a beaucoup bougé. On a beaucoup raconté de choses autour de lui, on a beaucoup fantasmé autour de lui, hein, c'est devenu un mythe, Conti. Ce qu'on sait, c'est que grâce à Noël Sarola, il a rejoint la Suisse. Il est resté pas mal de temps en Suisse, où il a en particulier un peu changé de visage, puisqu'il s'est fait refaire complètement le dentier, la mâchoire. Donc il avait déjà un petit peu des moyens à l'époque. Après, il est passé par l'Allemagne, il est passé par la Hollande et il a rejoint les pays nordiques et en particulier la Suède. De là, il a fondé une famille. Après, on l'a vu également au Maghreb, en Algérie en particulier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on fait le lien parce qu'il y a une très très forte communauté, une grosse diaspora algérienne en Suède, et en particulier une grosse diaspora d'islamistes. Et c'est par ces réseaux-là qu'on le retrouve à un moment donné en Algérie, au Maghreb, et il va faire des allers-retours comme ça, assez régulièrement. On l'a vu au Maroc aussi, enfin bon. Pierrot, il a été dit des tas de choses de lui, mais les êtres sont complexes. On peut pas... Pierrot, quand il s'est installé à Rochebesse, il s'est pas dit « je vais finir par zigouiller des flics ». C'était pas son projet de départ. Il avait un idéal qui était réel, qui était profond, comme nous tous. Quoi, comme nous tous. Il n'était pas parti pour faire ce qu'il a fait. Hein. L'hypothèse de la folie aussi, on l'a souvent ressorti. Une énorme bêtise, surtout, déjà, parce que c'est une folie, mais c'est une connerie, quoi. C'est un manque de lucidité, un manque de réflexion. Et puis après, une fois dans l'acte, une fois qu'on y est, ben après, effectivement, coup de folie. Tout. Donc c'est pareil à chaque fois qu'on entend dire « il a abattu de sang-froid ». Non, hein. S'il avait eu le sang-froid, il n'aurait pas abattu personne. S'il a tué des gens, c'est qu'il a complètement perdu les pédales, complètement. Un énorme gâchis, énorme. Est-ce que derrière ce fait divers aussi, c'est pas, il n'y a pas l'idée que finalement ça a cristallisé le ressenti des locaux, des Ardéchois, vis-à-vis des néo-ruraux et de tous ces gens qui vivaient en communauté? Alors aujourd'hui, les choses ont pas mal changé. La perception que peuvent avoir les gens aujourd'hui de ces néo-ruraux, elle a beaucoup changé parce que ces néo-ruraux, aujourd'hui, il y en a plein. Il y en a partout. Et beaucoup ont réussi. Beaucoup d'ailleurs de ceux qui étaient autour de Conti, et même parmi les plus durs, sont devenus aujourd'hui des gens très respectables. Hein. Des plombiers, des comptables, et je peux en citer une demi-douzaine comme ça, que vous pouvez croiser dans la rue, aujourd'hui, qui sont respectés, qui ont parfois des fonctions importantes. Donc c'est des gens qui sont utiles à la société aujourd'hui, même s'ils l'ont combattu par ailleurs et parfois de façon assez virulente, voire violente à l'époque. Donc cette perception a bien changé parce que ces gens-là ont su se faire accepter. Autant à l'époque ces communautés pouvaient être rejetées, autant ce rejet, elles ne l'ont jamais voulu. Au contraire, elles ont toujours voulu s'intégrer. C'est l'Ardéchois qui les a rejetées à l'époque. C'est ça qui s'est passé. Elles étaient bienveillantes avec les gens du secteur. Les gens qui voulaient nouer un contact avec eux, ils n'étaient pas forcés de fumer un joint non plus, d'accord ? Mais ça se passait vraiment très très bien. Et on l'a vu, par exemple, à Entraigues, ça se passait super bien. Mais le rejet, il est d'abord venu des populations. Et aujourd'hui, ces gens-là, c'est comme des poissons dans l'eau. Hein, ils sont Ardéchois autant, parfois, que peuvent l'être les vrais Ardéchois avec des gros guillemets. C'était Pierre Conti, Le choix des armes, avec Henri Klintz, Pierre Fayol, Noël Sarola et Sophie. Archives Ina Gwen Michel, coordination Christine Bernard, un documentaire de François Teste et Domiti Piron. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouverez dès 13h30 Sonia Kronlund dans Les Pieds sur Terre pour d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Nous serons nostalgiques, musiciens et orphelins. Mais c'est une autre histoire.